bureau, il y avait eu toutes les farces. Hein. Bon, il y avait les apprentis luthiers, quand ils arrivaient, ils faisaient le tour de la ville, aller chercher des motonnières de contrebasse, par exemple. Je sais pas, la pierre à affûter le valet de banc, ou le couteau à nettoyer les limes. J'ai l'impression que ça marche toujours. Alors, ça marchait toujours, disons que... C'était les luthiers étaient au courant et disons l'apprenti courait dans 5-6 maisons de lutherie, quoi. On se renvoyait d'un à l'autre et puis tout le monde était au courant. Et la semaine d'après, c'était l'apprenti de l'autre qui venait et ainsi de suite, quoi.